GPS European Galileo enfin sur le rail. Un refait de 20 ans, station de réception et de rémission du signal transmis le satellite reparti à la surface du globe ainsi que des centres de contrôle basés en Italie et en Allemagne. Les deux premiers satellites devront être lancés le 20 octobre prochain à 12h depuis le centre spatial de Kourou par une fusée russe Soyuz dont ce sera le premier tir depuis de la Guyane. Un autre lancement double est programmé pour le premier semestre de 2012.